إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد va poursuivre inshallah. Alhamdulillah, on a mishi rouaid ibn rouaid dans le kitab. Wal muhim, de connaître ces masa'il. Pourquoi on les connaît? Pour ne pas tomber dedans. Pour les éviter. Cela pour nous-mêmes en premier lieu et ensuite pour conseiller les gens. Et apprendre à les reconnaître. Car comme nous avons cité, beaucoup de ces masa'il aujourd'hui, on les voit à travers les actes de beaucoup de gens de la communauté. Et ce n'est même pas propre, forcément, aux awam, aux gens de la bid'a, aux gens des passions, même chez les gens de la sunna, on trouve certains de ces points-là. Beaucoup de gens qui s'apparentent à la sunna, yani, dont leur appartenance est verbale, puisque, au niveau des actes, à l'al-asaf. Donc comme je vous l'expliquais, là, les nokot, les explications sont de plus en plus courtes, alhamdoulilah, ce qui nous permet de pouvoir augmenter le nombre de masaïl dans un dars. Enfin, l'yom sanakhouz kazalik, arba' masaïl, naam. Faqala al-mu'allifu, rahimahullahu ta'ala, al-mas'ala at-tasi'ata 'ashar. عيب الصالحين بفير بعض المتصبين إليهم. C'est-à-dire que il critique les gens pieux, se basant sur les actes commis par des gens qui les suivent. فقال رحمه الله تعالى قدحهم في بعض الصالحين بفير بعض المتصبين إليهم كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire qu'il critique les gens pieux, il les accuse de choses dont ils sont innocents. Et cela se basant sur les actes commis par des gens qui les suivent, qui s'apparentent à ces gens-là. Comme par exemple le font les juifs en critiquant Isa et Salem en se basant sur les faits des Nasara, et comme le font les Yahoud et les Nasara en critiquant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se basant sur les faits commis par certains musulmans. فَقَالَ فِي شَرْحَ حَفِظَ اللَّهُ تَعَالَى قدحهم في الصالحين بما يفعله بعض المنتصبين إليهم من الأفعال السيئة فينسبون أفعال الأتباع إلى المتبوعين وهم براء منه هم منها براء. Donc il dit, comme nous avons expliqué, qu'il critique les gens pieux, se basant sur ce que commettent comme erreur et comme mauvaise chose, comme mauvais acte, ceux qui s'apparentent à eux. Et eux, ils attribuent ces mauvais actes justement aux gens pieux, à ceux qui sont suivis. Alors qu'ils en sont innocents. Comme par exemple, les Yahoud, qui ont critiqué Isa à cause de la déviance des Nasara, qui ont eu pour croyance que Allah subhanahu wa ta'ala est le troisième des trois, ou que Isa c'est Allah, ou qu'il est le fils d'Allah, la Trinité, et wa'ala dhalika. Donc ils ont critiqué Isa comme si c'était Isa alayhi salam qui était venu avec cela, ou Isa bari'un min hadha al-i'tiqad, billa shak wa la raib. وكذلك من يقدح في محمد صلى الله عليه وسلم بما يفعله بعض المنتصبين الى دينه من القبوريه ومن الجهميه والمعتزله والخوارج. Donc également ceux qui critiquent Mohammed صلى الله عليه وسلم à cause des actes commis par certains qui s'attribuent à ça ou qui s'apparentent à sa religion, comme par exemple les Qubouriyins ou parmi les gens de l'Jahmiya ou les Mu'tazila ou Khawarij. Et ça on le voit exactement aujourd'hui tamamen, surtout ces jours-ci, que les kuffars se servent des actes soi-disant des terroristes faits au nom de l'islam, pour critiquer l'islam. Exactement la même chose. Qu'ils disent, vous, l'islam, si vous êtes une religion de meurtriers, une religion violente, de terroristes, vous tuez les gens, et réalisez les cas. Un tas de calèmes forts dit, voyez, tuhumat ba'atila, et elles sont bâties sur quoi? Sur des actes faits par des ignorants, si vraiment ce sont eux qui les ont faits. Car ça, c'est encore une autre question. Est-ce que ce sont vraiment des muslims qui font ces actes-là? Ou des gens, à la solde de kuffar, qui font cela au nom de l'islam, afin de pouvoir trouver des arguments contre l'islam. Ah là, la soula, ah, ça c'est une autre question encore. Attention, ne pas se précipiter tout le temps à accuser les musulmans, dire ouais, ils sont ignorants, ils savent pas. Attention, c'est même pas un musulman qui a fait ça. Donc faire attention. Al-Muhim, ils font la même chose. Aujourd'hui, les koufars, ils font la même chose. Ils se servent des actes faits au nom de l'islam, alors que ces actes ne font même pas partie de l'islam. Abadan. Ou si jamais ils appartiennent à l'islam, ils ont été faits hors contexte, sans science. Donc il dit, si jamais il y a une déviance chez les suiveurs, alors on n'a pas à attribuer cette déviance à l'origine. Mais on attribue l'erreur à celui qui l'a commis. Tout simplement. Et ça, l'adl. Nous, on ne va pas s'en prendre à Moussa alayhi salam pour ce que les Yahoud ont dévié. On ne va pas s'en prendre à Isa alayhi salam pour ce que les Nasara ont dévié. On ne va pas s'en prendre à Mohammed sallallahu alayhi salam pour ce que les gens qui commettent du shirk dans sa umma ont commis comme acte. Sûrement pas. Eux, ils n'ont jamais appelé à cela. Ils avaient été là, ils auraient blâmé cet acte-là. Et ils l'ont fait de leur vivant. On ne va pas salir l'islam à cause des Rafida, à cause des Batiniya, qui eux s'apparentent à l'islam, faussement. Donc comme on l'a dit dans une mas'ala précédente, celui qui s'apparente à une chose, le vrai, c'est celui qui a su cette chose-là et qui l'applique. Et qui est en concordance avec elle. Comme a dit Ta'ala, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les premiers et les précédents et les premiers parmi les muhajirin ou ansar et ceux qu'ils ont suivis dans le bien, Allah les agrée et ils agréent, ils l'agréent. Regarde bien dans le verset à ce moment-là, il agrée qui? Les sabiqun, les awwalun, c'est-à-dire les salaf, les sahaba et ceux qu'ils ont suivis bi-ihsan. Il y a un wasf, il y a un qaid. Hein, ceux qu'ils ont suivis, bi-ihsan, c'est-à-dire de la bonne manière. Pas n'importe comment. Ceux-là ont l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama qala ta'ala, inna awla an-nas bi-ibrahim lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabi. Donc les gens qui sont les plus en droit de s'apparenter à Ibrahim sont ceux qui l'ont suivi ainsi que ses prophètes. Donc ce n'est pas toute personne qui vient qui dit « Moi, je reconnais le prophète Abraham » comme ils disent, « Kada, kada, kada » rien que son nom, ils n'acceptent pas son nom. Ils n'arrivent même pas à dire son vrai prénom. Ils disent Abraham. Voilà, azubillah. Donc ce n'est pas toute personne qui s'apparente à une chose qui forcément coordonne avec elle. Il faut comparer les actes. Et également, même chez les maftoun et les hizbi, on voit des gens pareils. Quand ils veulent s'en prendre un savant, ils prennent les erreurs de ceux qui aiment beaucoup ce savant-là. Et dès qu'ils font une erreur, ils attribuent cette erreur-là au savant. Ou comme c'était lui qui l'avait enseigné, ce genre de choses. Et à la barre, tel kazalik. Combien de gens, par exemple, aiment les ulama de la sunna, mais à cause de l'ignorance, tombent dans des erreurs? Est-ce qu'on a le droit d'attribuer cette erreur au savant, sous prétexte que celui-ci a fait une erreur? Dans tout ce savant, il aurait vu l'erreur là, il aurait dit non, je suis pas d'accord avec lui. Mais eux, pour taper le savant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent des erreurs de certains, parmi ceux qui l'aiment. D'accord? Et qui prennent de lui. Comme ils ont rien contre le savant, alors ils prennent de qui? De ceux qui prennent de lui. C'est Toulab, Mathalen, ou Raïd Zaleka. Et ça, c'est parmi la falle de quoi? La Jahiliya. Que tu prends l'erreur d'un suiveur pour l'attribuer à celui qui est suivi, malgré lui. Non. ثم قال المسألة العشرون لفاتهم مسألة اعتقادهم أن أفعال السحرة والكهان من كرامات الأولياء. Ils ont pour croyance que ce que font comme acte les sorciers ainsi que les voyants, que cela est parmi les miracles des أولياء, كرامات الأولياء des rapprochés. فقال في المتن رحمه الله تعالى اعتقادهم في مخالق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نصبوه لسليمان عليه السلام. Donc ils disent pour croyance que ce que commettent comme acte hors du commun commis par les sorciers et autres parmi ceux qui leur ressemblent sont des miracles, des prodiges faits par les gens pieux. Et ils attribuent cela aux anbiya comme ils l'ont fait avec Souleymane alayhi salatu wa salam. فقال في شرح طيب المخالق هي الامور الخالقه للعاده. Les makhaliq sont les choses qui sortent du commun. Qui sortent du commun. فهمت؟ لا يقدروا عليها الا الله. فاذا جارت على ايدي النبي فهو فهي معجزه. Donc ces choses-là, c'est seul Allah qui peut les accorder. Donc si jamais cet acte hors du commun est accompli par un prophète, ça s'appelle le mu'jiza. En arabe, une mu'jiza. Nous, en français, il n'y a pas de différence. Ça s'appelle un miracle. En arabe, il y a une différence. Le mu'jiza, mayun sab, il est nabi. Tamam? Comme par exemple, lorsque Moussa alayhi salam a changé le bâton en serpent. Ou ce que Isa alayhi salam a commis, ou a fait comme acte, en guérissant les malades, en rendant la vue à l'aveugle, ou en rendant la vue aux morts. Tout cela, bi'iznillah ta'ala. Ou ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme mu'jizat, comme le Coran et l'Azim, celui dont personne n'a pu revenir avec l'équivalent, parmi les hommes et les djinns. Également, lorsqu'il a fendu la lune, ou également, lorsque l'eau est sortie d'entre ses doigts, relezadika kulimu, kulimu mu'jizat alati jabiyan nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qala, ammam iza jara khalikun, khalikul a'dah ala yadi abdin salih, taqi mu'min, fahada yusamma karama. Min azza wa jal, min Allah azza wa jal. Par contre, ce qui est commis comme acte hors du commun, par une personne pieuse, parmi les serviteurs autres que les anbiya, alors cela s'appelle quoi une karama? Et nous, comme on l'expliquait en français, c'est miracle. Ma fi fark. Ça va, ça va. Neuf sachets. Et ces miracles, qala, ajraha ala yadi, imma li hajatin fi din, wa imma li hajatin, li hajatin muslimin. Que ce miracle, Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde pour un besoin dans la religion ou pour un besoin pour les muslimines. Comme par exemple, ce fut le cas avec Maryam alayhi salam, lorsque Zakaria rentra chez elle et trouva justement du risque des fruits, comme les ulama ils ont dit dans le tafsir du verset, des fruits qui ne poussaient pas en la période où Maryam alayhi salam les a eus. Alors que elle se consacrait à l'adoration, elle ne faisait aucune cause. Elle ne sortait pas pour aller chercher à manger ou à boire ou quoi ou quoi. C'est Zakaria qui s'occupait d'elle. Il est rentré, il a trouvé chez elle un tas de fruits qui, à la base, ne poussent pas en cette saison. Fa'adhi karamat. Min karamatillah. Li'ibadi salihin. Ou également, comme alors dans le Coran, il cite les gens du Kehf, de la caverne, qui ont dormi 300 ans et qui n'ont pas changé. Leur état est resté le même. Et autres. Combien de karamat maskoura fil Qur'an. Combien Allah dans le Qur'an a cité des karamat? Beaucoup. Et de mu'jizat li anbiya, beaucoup. Par contre, il dit, c'est le khawadik al-adat al-aidi al-kafara. Si jamais c'est commis par contre par les koufars, ou par les pervers, des gens qui ne sont pas obéissants, ou al zalika, faqale tu'tabar min afal al-shayatin. Cela, ça, il faut les considérer comme étant des actes de shayatin. Cela fait partie de quoi? Ce qu'on appelle le sha'wazat, wal-hiyal, wal-sihr, al-takhili. Ce sont soit de la prestigitation, comme ils disent, de la sorcellerie, qui est, ou de l'illusionnisme. C'est-à-dire une chose qui n'est pas réelle, que toi tu vois, que tu imagines, en réalité elle n'a pas lieu. Adaw al-sihr al-takhili. Car le sihr, deux catégories, comme on l'a appris dans le cadre de l'islam, t'as le sihr qui est haqiqi, une chose vraiment qui a lieu, ou à une chose qui a lieu que dans tes yeux, à toi. Que tu vois, tu t'imagines, alors qu'elle n'a même pas lieu. Yani, tu étais en fait, tu t'es pris un sort dans tes yeux, dans ta vue, dans ta vision. Tu t'imagines avoir vu une chose alors qu'elle n'a même pas eu lieu. Et sihr haqiqi, c'est une chose qui a vraiment lieu. Même. Et le tahili peut avoir lieu avec des plantes, ou avec des harakats, des gestes. Il n'est pas forcément du kufr. Alors que le sihr haqiqi, lui, il a lieu forcément en utilisant le shayatin. Donc, en faisant une ibadah, les rilillah. Cela est du kufr. Alors que le sihr tahiri n'en est pas forcément. Mais quoi qu'il en soit, au minimum, c'est de la perversion, car tu ressembles au Sahara en faisant cela. Quoi qu'il en soit, si on voit ces choses-là, ces actes hors du commun, venant de kuffar ou de pervers, alors le shirk dit, ce ne sont pas des karamat. Mais ça, ce sont des choses commises par les shayatines. Comme par exemple, demain, tu vois un kafir qui marche sur l'eau, qui vole dans les airs, qui fait disparaître un train, qui fait disparaître la tour Eiffel, comme on en a vu certains à la télévision, et des choses comme ça. Ça, ce qu'il fait, soit c'est de l'illusionnisme, c'est-à-dire qu'il te fait croire à la chose alors qu'il ne l'a pas faite, ou alors il a vraiment fait, mais par l'aide des shayatines, donc il aura voué un culte auparavant. Ça, c'est du shirk et du kufr akbar. Donc les kufars, quand ils voient cela, ils disent que cela est un miracle venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils élèvent ces gens-là. Et malheureusement, aujourd'hui, dans la Ummah, beaucoup de gens sont ignorants. Ils vont voir les voyants, vont voir les sorciers, pour pouvoir obtenir certaines choses de cette dunya, pensant en cela que cela est permis. Après, c'est notre sujet. Al-'Udhu bil-Jahl, ça, c'est notre sujet, Inch'Allah, qu'on ne va pas aborder ici. قال بعد هذا المسألة الحاجة وعشرون 21 تعبدهم الله بالصفير والتصفيق qu'ils adorent Allah par le sifflement et le tapement des mains. كما قال في المتن تعبدهم بالمكاء وتصدية. D'accord, en tapant des mains, qu'ils adorent Allah en tapant des mains et en sifflant. فقال في الشرح من مسائل الجاهلية التي خلفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدهم أي تقربهم إلى الله بالبكاء أو بالمكاء وتصدية. وقال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت لمكاء وتصدية. Donc parmi les points de la jahiliya auxquels s'est opposé le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, que ces gens-là faisaient des actes d'adoration par le moyen de sifflement et de tapement des mains. Comme dans le Coran, dans le sens où dit que leur salat auprès de la maison, c'est-à-dire la Kaaba, n'était que sifflement et tapement des mains. Donc c'est comme ça que les mouchikoun faisaient auparavant. C'est une ibada pour eux. Taper des mains ou ils sifflaient. Ils appelaient ça salat. Tamam? Tayyib. Et aujourd'hui, on le trouve chez les koufars. Même si c'est pas une ribada, quand ils sont heureux, ou il y a un spectacle ou quoi, ils sont impressionnés, ils tapent des mains. C'est une adat qui est restée chez eux. Ils tapent des mains. Ils sifflent également. Les deux sont restés. Ils sifflent et ils tapent des mains. Adoration ou pas, c'est une coutume qui est restée des koufars jusqu'à ce jour. Lorsqu'il y a un truc, ils sont heureux, un spectacle par exemple qui est fini, où ils veulent montrer qu'ils sont contents, ils tapent des mains. Donc ceux-là, comme à Kalashir, « ومن هنا يؤخذ تحريم حتين خصلتين التصفير والتصفيق » Donc de là, ces deux actes sont interdits en religion. Taper des mains et siffler. « وَنَّمْ يَقْصُودِ الْإِنسَانُ بِهِمَا الْعِبَادَ » Même si la personne ne vise pas par cela l'adoration. C'est interdit. « لِمَاذَا لِيَنَّ فِي ذَلِكَ تَشَبُّهًا بِمُشْرِكِينَ » Car cela contient une ressemblance aux mécréants, aux mushrikines. Et Cheikh Al-Famine, il dit bien que le tashabbuh bi kuffar, il n'est pas conditionné que tu aies voulu par cela leur ressembler. Que tu aies fait un acte qui soit propre au kuffar. D'accord? Même si toi en cela tu n'as pas voulu leur ressembler, cet acte est illicite. Parce que des gens ils font des actes comme ça, tu dis il y a un risque que tu as fait là, par exemple, il tape des mains, mesalan, il tape des mains. Il est content, il a fait une chose qui l'a impressionné, il tape des mains. Il dit il y a rien à tashabbuh bi kuffar. Il dit moi mais quand j'ai fait ça, j'ai pas voulu leur ressembler. On dit même t'as pas voulu. Ce n'est pas un short, ce n'est pas une condition que tu aies voulu le ressembler. La niya là-dessus n'est pas une condition. Si elle est présente, c'est encore pire. Même demain, tu n'as pas mis la niya de le ressembler, cet acte que tu as commis est interdit. Car il inclut que tu le ressembles en cela. Donc soit dans les vêtements, dans les coutumes, dans le parler, dans plein de choses, même si tu n'as pas l'intention de le ressembler, que tu ne le sais pas, si on te dit que cet acte-là, parmi les actes des koufars, il faut le délaisser aussitôt. Et ne même pas chercher à contester ou à débattre. Je n'ai pas voulu, je ne savais pas. Si tu ne savais pas, Allah yarfouank. C'est une khata, alors il te pardonne. Mais ne recommence pas. Ne persiste pas et surtout, surtout, ne polémique pas. Ne pas polémiquer lorsque l'argument t'était démontré. Donc par contre, le tapement des mains, comme le chien le dit, a été autorisé aux femmes lors de la salat. Si elles sont au milieu des hommes, enfin au milieu des hommes, c'est-à-dire une salat où il y a des hommes qui la font, dans le dernier rang elles sont, les mains viendraient se tromper. Car l'homme, ils ont le tasbih et les femmes tasfiq. Elles tapent des mains. Pourquoi? Pour ne pas que leur voix soit une fitna pour les hommes. Lakin, yidhaka, kunna bina hunna fakat, falahunna yusabihna. Taïeb, si elles sont que entre elles qu'il n'y a pas d'hommes, elles ont le droit de faire le tasbih, dire subhanallah, pour reprendre l'imam s'il a fait une erreur. Mais s'il y a des hommes avec elles, alors là c'est quoi? Tasfiq, elles tapent des mains. Et dans cette situation-là, c'est permis. C'est une rukhsa, lahunna fakat. Donc en même temps, celui qui tape des mains, dans quel marzour il tombe? Il peut tomber dans le marzour de Shabbou bin Nissa. Rassemblé aux femmes, également. Wali Azbillah. Donc ça c'était la 21e mas'ala, qui est qu'ils adorent Allah en tapant des mains et en sifflant. Naam. Thumma nukmil bil mas'ala athaniyata wa ishroun. Qui est la 22e mas'ala. Qal ittikhadhuhum ad-din lahwa wa la'iba. Qu'ils prennent la religion comme un jeu, une futilité, une distraction. قال رحمه الله تعالى إنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. Qu'ils ont pris leur religion comme une futilité, une distraction. ولعذب الله. قال العلماء الفوزان حفظه الله تعالى. اللهو هو كل باطل يلهي عن الحق واللعب وضد الجد وهو ما لا فائدة فيه. Donc là où c'est toute chose fausse qui t'éloigne de la vérité. C'est une futilité. Distraction, si on a d'autres mots. Et le la'ib, le jeu, c'est toute chose qui s'oppose au sérieux, qui ne contient aucune faïda, aucune utilité. Donc ces gens-là ont pris leur religion comme cela pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min din al-jahiliya. وقال هذا موجود عند الصوفية. الصوفية ils ont cela. Pourquoi? فيتخذون ضرب الدفوف ويتخذون الأغاني عبادة لله عز وجل. Eux ils tapent du tambour dans les masajids et ils chantent, ils font de la musique, disant par cela se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela, ça rentre exactement là-dedans, dans les versets de la jahiliya. Pourquoi? Car les chansons, la musique, les instruments sont les choses muharrama à la base. Donc comment en plus de cela tu en fais une ibada pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et on le voit chez les chrétiens. Je me rappelle avant mon islam, ils jouaient beaucoup leur religion. Ils faisaient même des films, des comédies musicales, dans lesquelles mettait Issa qui chantait, qui dansait. Où ils font des choses, des caricatures, des statues, des blagues. Tout cela au nom de la religion. Et pour eux c'est normal. Pour eux c'est normal. Et quand tu les réprimandes, ils disent non mais faut être cool, faut être ouvert. Faut vivre avec son temps. Faut pas être strict. Faut pas être fanatique. Regardez les alikas. Ils se moquent même de la prophète eux-mêmes. Wallahi billah. Naam. Et le chien après fait un tambi par rapport à quoi? Yushbihum al-ayn al-lazine yattakizun al-anashid al-lati yusammounaha al-islamiyya. Wiyajalounaha min wasail al-da'wa ilallah. Fayakouloun al-da'watu ilallah azawajal min al-din. Et le ressemblant cela, ceux qui prennent les anashid, qu'ils appellent l'anashid islamiyya. Et ils en font des moyens de da'wah. Ils disent cela fait partie de la religion. Alors que cela n'en fait pas partie du tout. Comme quand le chien bar zalika, da'wah, masail da'wah, tawqifiya. Les moyens de da'wah sont tawqifiya, c'est-à-dire sont basés sur un décret divin, sur un dalil. On ne fait pas de notre tête. Car c'est une ibada à la base. Donc on ne fait pas que des choses comme ça nouvelles, on dit ça c'est pour faire la da'wah que je fais cela. Si cela n'en fait pas partie. Comme ceux qui font des sketchs également. Font des sketchs, tu les vois faire des mises en scène. L'autre joue le rôle d'un tel, l'autre d'un tel. Ils disent, une mas'ala, c'est une wasila pour la da'wa. On dit, non, ça c'est une bid'a que tu es en train de faire. Et en plus de cela, c'est un mensonge. Car tu mens aux gens. Tu te fais croire aux gens que tu es un tel, et tu joues le rôle de quelqu'un d'autre. Ala takalluf. Aza manyoun anhu. C'est interdit. Et les adilas sont venus. Là, je les ai plus en tête, mais il y a des adilas qui disent que faire la comédie, jouer la comédie, jouer un rôle, cela n'est pas permis. Et il dit que cette façon de faire, quand elle est, il y a min sha'arat al-manahij al-hizbiyya. C'est parmi les emblèmes des voix de la hizbiyya. Ce sont les hizbis qui agissent de la sorte. Les arani, les anashid, les sketchs, les sorties en vacances sous les tentes, les camps de vacances, et les alikas comme Cheikh Najmi dit. Ils regroupent les enfants, ils les emmènent en vacances, je ne sais quoi. Tout ça là sont les choses parmi les manahij al-hizbiyya. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné comment appeler à la religion et n'a jamais utilisé ces moyens-là alors qu'il aurait pu le faire. Les anachides, ils pouvaient le faire s'ils voulaient. Les camps de vacances pour les enfants, ils pouvaient le faire s'ils voulaient. Les temsiliyats, s'ils voulaient, pouvaient les faire aussi. Il ne l'a pas fait. D'accord, il ne l'a pas fait. Par contre, ne pas confondre entre les zawamil et les kasaïd. Tout ce qui est poésie, même si les psalmodies avec une belle voix, c'est pas forcément une nashida. Pas forcément. Lui, il parle des anachides, tout ce qui est voix en cœur. Même des fois, il y a des fonds sonores derrière, musique, instruments, réalisalika. Aujourd'hui, ils font des groupes. Un tel, ils chantent avec un tel et un tel et un tel. Même des groupes, là, comme ils le font, ça, c'est bid'a. Comme par exemple, je sais pas, un groupe qui s'appelle, le silence des mosquées, masalan. Ou il y en a qui s'appelle Assalamu alaikum. Des groupes comme ça, ils viennent, ils chantent. Tout cela, c'est bid'a. Tamam. Quant à la poésie qui est légiférée, qui est utilisée pour appeler à la vérité, les sahaba, ils l'ont fait. Il y a des hadiths, là. طيب بعض الصحابة كانوا ينجون المشركين. Ils faisaient ce qu'on appelle quoi de la poésie en guise de réplique, de réfutation. D'accord? Et de rabaissement pour les mushrikines. Ça a été fait. Même la Musa al-Salam a fait doa pour certains d'entre eux. Donc tout cela, ce n'est pas la bid'a. C'est, il y a une origine à la base. Il y a un dalil pour ça. Mais eux, ils ont rajouté. Et il y en a aussi aujourd'hui des gens en religion, aujourd'hui dans l'islam, ils font des choses qui ressemblent à cela. ils prennent leur religion en raillerie, sans même s'en rendre compte. Ils t'inventent des choses de la dunya, distraction, ou des choses permises à la base, et ils y appliquent le nom de la sunna. Ils vont faire des clubs de sport, ils vont appeler ça sunna club. En quoi la sunna rentre dans le club? Le sport, c'est une chose qui est permise à la base. En quoi tu rentres la sunna dedans? Ce n'est pas une sunna à la base. Faire du sport, faire de la musculation, faire du taekwondo, c'est pas de la sunna à la base. C'est une chose qui est permise. Et la plupart du temps, ces gens-là ne même pas une niya de se préparer physiquement pour faire le djihad. C'est juste pour avoir des beaux corps ou pour pouvoir dire je ne sais quoi comme prétention. Ce n'est même pas une niya de ibadah qu'ils ont en faisant cela. Ou ils vont faire un shampoing, ils appellent sunna shampoo. Ils vont appeler sunna cola. Ou sunna kaza. Tout est pris. Bientôt, ils vont nous faire sunna sandwich. Tout ça, ça rentre dans le jeu. La sunna, c'est pas un jeu. La sunna, c'est pas un tijara. La sunna, c'est pas une chose à prendre en raillerie. Faire attention à cela. Et les gens, ils prennent cela en raillerie. Même si c'est pas leur niya, c'est ça qui se passe. La chose, elle est rabaissée. La sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivée à un stade où elle l'employait à tout va. Tout est sunna aujourd'hui pour les gens. Pour attirer la clientèle. Ou l'islam. Hein? L'islam. Art martial islamique. Ou je ne sais quoi, restaurant islamique. Il n'y a pas un restaurant islamique. C'est ce que tu manges, c'est halal, c'est tout. Il n'y a pas un restaurant islamique. Ce que tu as égorgé, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit le plat. Tu peux manger ce que tu veux tant que c'est égorgé au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est pas une nourriture qui est interdite par un texte. C'est pas islamique. C'est que c'est permis, c'est tout. C'est permis. Donc faire attention à cela. Ces gens-là qui attribuent l'islam à toute chose, dans les choses permises de la dunya, ça rentre dans la raillerie. Ça, c'est un dénigrement de la religion, ils ne s'en rendent même pas compte. La religion, c'est une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est bien séparé ces choses-là. Ta dunya, c'est ta dunya. Et ton din, c'est ton din. Et ta dunya, tu l'aimes au service de ton din. Et pas le contraire. Ta dunya, tu l'aimes au service de ton din. Car ta dunya, elle est gérée par ton din. Ce que tu fais, c'est la religion qui te gère. Ça, tu peux le faire, ça, tu peux pas le faire. Ça, c'est recommandé, ça, c'est détestable. Et kaza, et kaza, et kaza, il est réalisé avec. Donc fais attention. Beaucoup de masses de l'Ejahiliya, on tombe dedans sans même pas compte. Mais si on le sait, il faudra être sur le champ, faire tawbah et rattraper l'erreur. Fainallah ghafour rahim. Donc aujourd'hui, on a pris quatre nouvelles masa'il qui sont le fait qu'ils attribuent aux salihin les erreurs de leurs suiveurs. Qu'ils ont pour croyance que ce que font les sahara et les kuhan, ce sont des mu'jizat, ou plutôt des karamat. Qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala en tapant des mains et en sifflant. Et qui prennent leur religion comme futilité et distraction. Fabien Kod Naktafi ou Nakul, Alhamdulillah, Rabbil Alameen.